donne à l'horizon la couleur des murs d'une prison. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour trouver un coin de ciel bleu et la clé d'un monde merveilleux. Tu viens vers moi chasser la nuit qui m'avienne. Mon cœur lourd de trop de peine. Donne un cœur à ma vie, l'espoir d'une embellie, comme l'arc-en-ciel sous la pluie. L'arc-en-ciel sous la pluie. Dans son habit de chagrin, le jour voilé s'étire sans fin, chargé de grisailles et d'ennui. L'orage me trouvera endormi quelque part bien loin d'ici. Tu viens vers moi chasser la nuit qui m'aliène. J'oublie déjà mon cœur lourd de trop de peine. Donne un tort à ma vie, l'espoir d'une embellie, comme l'arc-en-ciel sous la pluie. L'arc-en-ciel sous la pluie. Toi et moi, bercés par le chant du jour qui se réveille, on ira oublier du temps, libre en plein soleil. Première goutte frappe mes carreaux, mais je garderai les yeux clos. Le déluge qui soudain s'abat peut bien tout noyer ici-bas. Si tu me gardes avec toi, tu viens vers moi chasser la nuit qui m'aliène. Mon cœur lourd de trop de peine. Donne un cœur à ma vie, l'espoir d'une embellie, comme l'arc-en-ciel sous la pluie. L'arc-en-ciel sous la pluie.